La fiancée du Dieu rouge par Jules Lermina. Chapitre 1er. On était à Calcutta, à la fin de la saison, mot qui dans tous les pays indique une époque analogue de fêtes et de plaisirs pour la haute société, et qui dans l'Inde anglaise, et notamment dans la capitale qui sert de résidence au vice-roi, s'étend du mois d'octobre au mois de mars. Déjà des souffles lourds, avant-coureurs des ardeurs brûlantes de l'été, roulaient dans l'atmosphère, et quelques-uns, se souvenant des périls passés, déjà examinaient le ciel avec angoisse, se demandant si aux premières explosions de la chaleur printanière ne se mêleraient pas l'épouvantable hurlement du cyclone, l'ennemi invisible et traître, toujours blotti dans quelques régions de l'espace. « Vous autres Français, disait un hindou de haute taille, coiffé du turban des bouddhistes de Ceylan, et qui causait, sur le strand, avec un jeune homme dont les allures vives et intelligentes disaient assez la nationalité, « Vous autres Français, vous êtes habitués à regarder les changements de saison, de température, comme quantité négligeable. J'ai visité votre Paris et y ai passé en plusieurs fois près de 3 années. Jamais je n'y ai constaté d'excès insupportable, ni en chaleur ni en froid. En ces plus mauvais jours, votre ciel a l'air d'un enfant qui boude et fait la moue. Vos pluies sont d'arrosage pour jardin de petite maîtresse. Votre vent suffit à peine à pousser vos aérostats. Là, là ! S'écria le Français en riant. À faire si grand éloge de mon pays, savez-vous bien que vous en arrivez à le calomnier? Nous avons nous aussi nos orages furieux, nos déluges effrayants, nos inondations meurtrières. Et quant à nos cyclones, il en est une fois passé un devant mes fenêtres, trombe épouvantable de grêle, de pluie, qui balayait sur son passage tout ce qu'il rencontrait, brisant les arbres, emportant les tuyaux de cheminée, renversant les passants et même les voitures les plus lourdes. Français, fit l'hindou qui s'appelait des Noirs, comme je vous reconnais, pour peu qu'on vous pousse un peu, vous vous vanteriez d'avoir des icebergs comme les mers du Groenland, des neiges éternelles comparables à celles de notre Himalaya, des déserts mystérieux et sinistres comme celui de Gobi. Eh bien, je souhaite, comme disent nos Védas, que les maroutes, les vents, ne vous donnent pas pendant votre séjour parmi nous le spectacle de leurs effroyables déchaînements. Surtout si, comme vous me l'avez dit lors de notre dernière rencontre, vous êtes toujours décidé à vous aventurer à travers les montagnes de l'Orissa. Je le souhaite aussi, répliqua le Français, mais ce n'est certes pas cette crainte qui me ferait renoncer à mes projets. Vous savez l'intérêt que je porte à l'histoire de cet admirable pays, et tout particulièrement à sa langue, étude auquel je dois l'honneur et le plaisir d'avoir trouvé en vous un conseiller et un ami. Cette mystérieuse contrée du Gundaba, si peu connue même des indigènes, m'attire et me fascine. Ce que j'ai pu apprendre de la langue des Bengalis me promet des révélations des plus curieuses. Vous savez mes théories. Ce sont celles de mon compatriote Salomon Reinhardt, de l'anglais latin, de l'indianiste Benfey. Ne vous en blessez pas, mais je suis convaincu que la race aryenne eut son berceau non pas en Asie, mais en Europe même. Vous savez que l'Autrichien Penka... Je sais, fit l'hindou en souriant de la surexcitation déjà visible de son interlocuteur, que la Terre est fort petite, comparée à l'univers entier, qu'elle n'est qu'un point dans l'espace, que sur sa surface infinitésimale, l'Europe ou l'Asie ne se distinguent guère, et que ces disputes d'origine n'est qu'une querelle d'enfants. Ah oui, je sais, vous êtes un sage. Rien ne vous émeut, rien ne vous trouble. Rien que le mal sous ces deux formes, la vie et la souffrance. À les combattre, dans le passé et dans l'avenir, la vie d'un homme ne suffit pas. Pourquoi voulez-vous que je me préoccupe de problèmes dont la solution importe si peu au bonheur des hommes? Cependant, je pourrais vous prouver que les études linguistiques et ethnographiques sont un des plus puissants facteurs de la civilisation. La civilisation, fit l'hindou avec un léger haussement d'épaule, regardez autour de vous. Autrefois, il y a 100 ans à peine, Calcutta, Calicutta comme on l'appelait alors, n'était qu'un amas de bourgades, de cahutes misérables. Aujourd'hui, c'est une ville de palais, et de cette superbe promenade qui est le rendez-vous de toute la haute société, vous pouvez voir cet amphithéâtre de pierre et de marbre qui borde l'antique rivière l'Ougli. Mais regardez les hommes. Croyez-vous que leurs âmes aussi se soient transformées? Croyez-vous que ces conquérants aient la conscience plus pure que les indigènes qu'on a décimés et refoulés? Croyez-vous que ces millionnaires, ces spéculateurs, ces trafiquants, et dans leur cœur édifier un palais à la vertu, à la bonté, à la splendide fraternité humaine. Allons, vous êtes décidément trop pessimiste. Non pas. Le pessimiste désespère, et moi, je crois à la victoire du bien. Et vous avez raison, car enfin, parmi les Anglais que votre patriotisme accuse, non sans quelque raison, d'égoïsme, de cynisme commercial, il en est qui ne méritent pas d'être englobés dans telle prescription morale, à commencer par celui dont je m'honore d'être l'hôte et l'ami, Sir William Lewis. Et comme l'hindou ne répondait pas, le français continue avec feu. Nieriez-vous que celui-là soit un homme de cœur? Ne s'est-il pas dévoué à l'abolition des épouvantables coutumes qui déshonoraient votre pays? Les sutiles, les sacrifices humains? N'a-t-il pas fait plus? N'a-t-il pas payé de sa personne pour arracher à leurs bourreaux les malheureux enfants, les mérias, douloureuses victimes que les Kundes, ces sauvages que je veux aller étudier jusque dans leurs repères montagneux, destinés aux plus atroces supplices? Des noirs, à mesure que le jeune homme parlait, avaient levé les yeux sur lui et le fixaient en plein visage, tandis qu'au coin de sa lèvre s'esquissait un fin sourire. « Sir William Lewis, dit-il lentement, qui a recueilli chez lui la belle Sanda, la mairie a sauvé. Oui, oui, vous plaidez bien sa cause. Mais, s'écria le français qui avait légèrement tressailli, ai-je dit un seul mot qui ne fut pas l'expression de la vérité la plus exacte? Et quant à la jeune fille dont vous venez de prononcer le nom, ne lui a-t-il pas fait place au foyer de famille? L'hindou ne répondit pas immédiatement. On devinait que des mots arrivaient sur ses lèvres qu'il préférait ne pas prononcer. Nous reparlerons de tout cela, mon cher enfant, dit-il doucement. Pour le moment, il faut que j'aille visiter dans les tristes bouges de Havra les vaincus et les souffrants. Séparons-nous donc, quitte à reprendre plus tard cette amicale causerie. Et tenez, voici justement, depuis quelques instants, quelqu'un qui tourne autour de vous et qui m'a l'air d'être un de vos compatriotes. » Et de la main, l'hindou désignait quelqu'un. Le français se retourna brusquement et une double exclamation retentit. « Lucien Dantis ! Pierre Carré !» Tandis que des mains tendues se serraient dans un élan de sincère effusion, c'était au milieu d'éclats de surprise des interrogations sans fin. « Lucien ! » s'écria le nouveau venu. « N'est-ce pas un rêve ? Te retrouver ici, quand il y a quelques mois je t'ai quitté hier ? Mais toi-même, tu partais alors pour l'Égypte, d'où tu devais revenir par l'Algérie et le Maroc. Et nous voici tous deux dans les Indes, sur le quai de l'Ougli, dans le pays de Thug, et de leurs dignes successeurs, les Dacoïtes. Se retrouver à 7478 kilomètres du boulevard des Italiens. » Et les deux amis, dans leur joie, ne se décidaient pas à desserrer leur étreinte. « Attends, dit Lucien, j'oublie que je n'étais pas seul. » En effet, tandis que j'hésitais à te reconnaître, tant l'aventure me paraissait invraisemblable, tu me semblais engagé dans une conversation des plus intéressantes. Avec un des hommes les plus considérés d'ici, une sorte de philosophe, ou de saint de Ceylan, Ramdenoir, à qui tu me permettras de te présenter. Mais Lucien chercha en vain auprès de lui, ou dans les prochains environs, celui qui, un instant auparavant, se trouvait auprès de lui. « Toujours mystérieux, » murmura le jeune homme, « et jouant l'ubiquité. Singulier personnage, en somme. Mais l'incident est secondaire. Entrons dans le Tirum, au bout du Strand, et là nous causerons à cœur ouvert. Veux-tu ? À tes ordres. À propos, où loges-tu ? Moi, je suis descendu à l'hôtel Spencer. Moi, je suis chez l'habitant, comme disent les soldats, chez un Anglais, Sir William Lewis, qui m'a offert une hospitalité anglo-écossaise. Je te le ferai connaître, un brave homme. Allons, viens. » Et passant son bras sous celui de son ami, Lucien l'entraîna vers l'endroit désigné, une de ces légères bâtisses, teck et bambou, dont la galerie extérieure domine l'Ougli. Quelques minutes après, les deux amis étaient installés coude à coude. Il existait entre leurs apparences physiques une absolue dissemblance. Lucien Dantis, grand, svelte, brun, avec des cheveux bouclés, une moustache de conquérant aux pointes provocatrices, les yeux noirs, très vivants, très gais même, avec au fond des prunelles, une lueur toujours prête à jaillir en fusée d'étincelles. Pierre Carré, grand lui aussi, mais un peu massif, le front carré, couronné d'une chevelure fauve et quelque peu hirsute. À première vue, l'allure d'un reître à qui le pourpoint de buffle et la colichemarde Moyen-Âge eussent admirablement convenu. Une barbe de fleuve rouge complétait l'ensemble. Tels étaient les deux hommes qui, séparés depuis 6 mois et partis pour les contrées les plus éloignées les unes des autres, se trouvaient tout à coup réunis si loin de la mère patrie. Tout en dégustant le thé de Ceylan, aggravé de quelques gouttes de harpie, liqueur opiacée très en vogue chez les élégants de Calcutta, ils causaient. Pierre s'était expliqué le premier. Il venait en mission. Une des sectes musulmanes de Khartoum, éternel conspirateur contre la civilisation, l'avait chargé d'un message pour le Naïk, le chef des goyures du Bengale. Il s'agissait d'une sorte de fédération des sociétés secrètes de l'Orient. « C'est fou, disait-il, se figure que par leur menée, plus burlesque que dangereuse, par des invocations à leurs dieux d'enfer, ils auront raison de la science occidentale. Je les laisse faire, tout en les surveillant de près. Mais je ne suis pas inquiet. Ce sont les grotesques du crime, et bêtes avec cela. Sidi Goutoum Sah, le chef des vengeurs du Mahdi, siège social entre le Soudan et l'Abyssinie, ne m'a-t-il pas juré que j'avais le signe ? Le signe de quoi ? De qui ? Je n'en sais rien. Mais toi, si je ne me trompe, tu te préparais à partir pour l'Irlande, où tu allais chercher sur les bords des lacs les racines de la langue celtique. C'est sans doute de là que tu es parti pour venir aux Indes ? Non, tu te trompes. Je n'ai pas quitté hier après ton départ. J'y suis encore resté un mois. Après quoi je me suis dirigé sur Suez, et me voilà depuis 4 mois à Calcutta. Tu n'as jamais eu de suite dans les idées. Et la langue celtique ? Je la néglige pour le sanskrit, le prakrit, le pali et le tamoul, sans parler de dialectes réjouissants qui ne sont plus parlés que par quelques poignées d'hommes. Et comment s'est produit ce coup de barre qui changeait si fort ta direction ? Lucien ne répondit pas tout de suite. Il semblait chercher une explication qui se faisait attendre. « Un caprice, » dit-il enfin. « Une liaison passagère avec un confrère en études linguistiques, Sir William Lewis. Marié ?» demanda Pierre, non sans une pointe de malice. « Oui, à une brave lady couperosée. » qui a peut-être une fille de 10 ans. Mais ne perds pas ton temps à des paroles inutiles. Tu l'as deviné, il y a dans la maison de Sir William une personne qui m'intéresse tout particulièrement. C'est ce que je me disais. Et la jeune personne, car elle est jeune et jolie, si tu m'en parlais un peu. Je ferais mieux que t'en parler. Car dès maintenant, je m'empare de toi. Depuis combien de temps es-tu à Calcutta ? Mais depuis quelques heures. Si bien que tu n'as pas encore eu le temps de prendre des engagements. Tu m'appartiens et je t'emmène. Où cela ? Mais chez mes excellents amis, les Lewis, qui vont t'accueillir à bras ouverts. J'avoue que j'avais formé le projet de rentrer de bonne heure à l'hôtel et de m'y reposer tout à mon aise. D'autant que dès demain, je dois me mettre à la recherche de mon chef Banjari. Nous le cherchons ensemble. Faut-il que j'emploie la force pour te décider ? Inutile, fit le colosse en riant. Je te suis de bon gré. Permets-moi seulement de passer à l'hôtel Spencer, non pour quitter ma cravate mauve, sois tranquille, mais pour échanger le costume de touriste contre le smoking officiel. Pouah ! Sir William, mon cher, pour être le meilleur anglais du monde, n'en est pas moins anglais. C'est-à-dire qu'avant tout, la respectabilité de ses hôtes lui tient à cœur. Or, la respectabilité, c'est la redingote ou le smoking et le chapeau de forme. Tu as raison, je t'accompagne. Je t'attendrai dans le salon de lecture. Et n'oublie pas, ajouta Pierre, en lui passant familièrement la main sous le bras, que tu dois me parler de cette jeune fille, qui t'intéresse si fort. Plus tard, dit Lucien. Maintenant le mieux est de nous hâter un peu. La nuit tombe vite ici, et la route, qui suit les bords de l'Ougli, est fort peu éclairée. Il s'agit de ne pas tomber dans quelque fondrière de boue qui déflorerait quelque peu notre toilette. Les deux amis avaient d'ailleurs le pied solide et la vue claire. Aussi ne se faisait-il pas faute, tout en arpentant le chemin, ou plutôt le sentier qui longeait la rivière, de causer de leur passé et de rappeler les bons souvenirs de leur jeunesse. Cependant, force leur fut bien, à certains moments, de faire trêve à leur entretien. Des ruisseaux couraient à travers le sol, détrempant la terre qui cédait sous leurs pieds. L'obscurité était devenue tout à fait profonde. Lucien marchait le premier. Tout à coup, d'une touffe de broussailles qu'il contournait pour retrouver la terre sèche, une ombre jaillit et se précipita sur lui, une forme longue et maigre, d'un homme qui ressemblait à un reptile. Il vit cette sorte de spectre au moment où il se ruait sur lui, brandissant une arme, un long couteau à lame triangulaire. Il recula d'un pas instinctivement, plongeant sa main dans sa poche pour y saisir son revolver. Mais déjà s'était interposée l'énorme silhouette de Pierre, dont les deux mains s'étaient abattues sur l'inconnu, l'avaient soulevé de terre et d'un seul élan l'avaient lancé dans le fleuve où l'on entendit l'écho d'un plongeon. « Tu n'es pas blessé ? » cria-t-il à Lucien. « Non, mais toi-même. La bête n'a pas eu le temps de griffer. Ah ça, les routes ne m'ont pas l'air d'être très sûres par ici. Et d'honneur, je regrette maintenant d'avoir instinctivement lancé cet animal à la volée. En effet, dit Lucien, il eût été utile de savoir à qui on avait affaire, et surtout de vérifier si je ne me suis pas trompé. Crois-tu donc avoir reconnu ce misérable ? L'homme, non, mais la race. C'était là un de ces sauvages dont les derniers survivants se cachent dans les montagnes du Bengale, et qui rôdent parfois jusqu'à Calcutta pour quelque œuvre malfaisante. Mais je t'en prie, pas un mot de cet accident à Sir William. Il ne faut pas épouvanter les dames. Dès demain, nous cherchons à découvrir la vérité. Jusque-là, tu me le promets, silence. À tes ordres, cher ami. Tout de même, je regrette d'avoir été si vif. Je le tenais si bien. Mais il m'a fait l'effet d'une chenille, et j'ai secoué mes mains pour m'en débarrasser.